Donc voilà, bon, j'essaye de vous présenter un peu cet ouvrage que vous avez devant vous. Bon, on se demande un peu ce que ça vient faire au milieu des imaginales. Donc j'ai essayé de trouver un titre un peu en rapport. Bon, il sera pas non plus question de Memento Mori, hein, non plus. Hein. Ici, on ne parle que du vivant. Je n'ai étudié que le vivant, même si c'est un lointain passé. Hein. Donc, je vais vous présenter un peu ce livre hein, qui est donc publié par un service inventaire et patrimoine et auquel ont contribué pas mal d'autres auteurs. Hein. Bon, je citerai Mireille Bénédicte Bouvet, Jacques Guillaume, Damien Parmentier. Hein. On est à Épinal, donc Jérôme Rimbaud et Francine Rose. Et puis, il faut aussi souligner tout le boulot qui a été fait en photographie, hein, parce que sans ces photographies, l'ouvrage ne serait pas grand-chose. Là. Donc on va essayer. Et donc Simon Durand hein, et puis Bertrand Drapier. Voilà, bon pour la cartographie, il faut souligner aussi la collaboration d'Audrey Schneider. Hein, le versant alsacien. Parce qu'on va travailler sur un domaine qui est donc essentiellement lorrain, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe chez nos voisins. Voilà. Deux petits mots pour vous présenter un peu le territoire. C'est celui que vous avez ici entouré en rouge. Hein. C'est ce qu'on a défini comme étant d'abord la montagne vosgienne et puis après les Hautes-Vosges. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, savoir si l'autre versant fait partie des Hautes-Vosges. Bon, c'est la partie haute des Vosges pour nous. Voilà. Alors, un territoire de 120 communes, c'est assez important quand même, et puis 2000 bâtiments qui ont été repérés. Alors on le disait, c'est 40 ans d'études au sein de l'inventaire. Les premières études ont commencé en 78, en 1978 bien évidemment. Et à ce moment-là, ils ont travaillé sur le canton de Remiremont. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant de reprendre 40 ans plus tard pour voir un peu ce qu'est devenu ce patrimoine. Et bon, le résultat n'est pas toujours très encourageant parce qu'il y a quasiment 30% de bâtiments qui sont soit détruits, soit défigurés, enfin dénaturés, quoi. Voilà. Donc, ici, on va essayer de voir un peu tout ce qui est l'univers de cet habitat rural. On s'intéresse aussi à l'histoire socio-économique du territoire, hein. La gestion de ces exploitations, comment elles se sont implantées sur le territoire. Bon, on verra qu'il y a des formes un peu particulière d'implantation, et puis comment elles sont gérées, comment aussi elles se répartissent et comment elles sont différentes d'un bout à l'autre du territoire. Verra que on peut distinguer trois grands types de fermes. On a celles les fermes dites de la vallée de la Meurthe, celles de la vallée de la Moselle, et puis on a la montagne. En gros, trois grandes typologies hein, sur ce territoire. Et puis on va bien sûr s'intéresser dans l'ouvrage à tout ce qui est bâti rural, hein, qui est le sujet, le cœur même du sujet, et aussi à la manière de l'habiter. Et puis le décor qui en fait sa spécificité. Voilà donc une autre représentation de ce que peut être cet habitat rural. Et puis donc pour être en liaison avec cet habitat qui pourrait être fantastique, ben, on va déjà s'intéresser au paysage qu'il a laissé. Hein, ce paysage anthropisé, hein, on voit ici sur la photo de gauche des terrasses de culture enherbées. Hein. Bon, je n'ai pas expliqué toute la genèse de la formation de ces paysages, mais autrefois c'était des terrasses de culture. Donc on essaye d'avoir un sol le plus plat possible en montagne pour pouvoir éviter que la terre tombe. Hein, enfin, les vallons. Et puis, autre paysage un peu étonnant aussi, c'est ces prairies, qui sont bien effectivement des prairies dès l'origine, en adobe ou en billon. Hein. C'est cette tôle ondulée qu'on voit ici hein, et qui est encore pâturée. Alors, là, je n'ai pas non plus rentré, c'est un problème d'irrigation. Hein. Aujourd'hui, on n'arrive plus à lire toute l'histoire de relief, hein, mais on avait des canaux d'irrigation qui permettaient de dégeler les terres dès le printemps, hein, par une eau qui est plus chaude que la terre, et puis donc de les irriguer toute l'année pour augmenter la productivité de ces terrains. Dans les autres paysages surprenants, bon, les Beureux de la Bresse, c'est quand même un peu plus connu, hein, mais ça fait partie des spécificités de tout le canton, le secteur de la Moselotte. Hein, et là, bon, ce sont d'anciens essarts, donc des parties cultivées au sein d'une prairie. Hein, et encloses de murs qui sont des pierres de ramassage à dépierrement des terrains. Autre particularité ici, là on est dans le secteur de Jarmé. On voit cette forêt qui est mitée avec des enclaves, avec un bâtiment au milieu. Hein, la ferme est toujours en place, bon, bien que ce ne soit pas celle de l'origine, hein, puisque ces enclaves en pleine forêt qu'on appelle des assancements, hein, ont des origines souvent juste à la fin du Moyen-Âge. Hein. Donc on peut retrouver de nombreux documents. Alors au passage, dans le livre, vous trouverez des monographies qui s'appuient sur des exemples concrets pour montrer un peu l'histoire de ce type d'accès à la propriété que sont les assancements. Voilà, donc on a aussi un habitat qui est étonnant. Bon, il a une grande parenté avec l'habitat lorrain. Hein, il est basé sur le même plan. Et là, on est dans le Piémont. On voit ces fermes qui sont parfois d'immenses bâtiments. Bon, en plaine, on en a aussi des grands. Et on en a des beaucoup plus petits, avec seulement... Alors, la composition théorique, c'est toujours trois travées. Hein, une travée d'habitation, une travée d'engrangement et une travée d'étable. Mais parfois, bon, la travée d'étable est sacrifiée parce qu'on n'avait pas beaucoup d'animaux, donc on les met au fond de la grange. Et on a des fermes qui sont un peu plus petites, mais toujours construites sur une même typologie. Donc, celle de la pièce du devant, hein, le poêle, la cuisine derrière, avec son foyer et son four à pain, et puis la chambre de derrière. Bon, et puis on a une grande variété de cet habitat. Tout à l'heure, j'étais dans le Piémont, plutôt la vallée de la Meurthe. Si on est en montagne, on va avoir un habitat très particulier, avec aussi des fermes contre-orientées, parce qu'on a l'habitude de dire que la ferme, elle a toujours sa belle façade qui donne vers le fond de la vallée. Et ben, sur Jarmé, on a quelques cas qui sont quand même suffisamment présents pour qu'on puisse s'interroger sur cette façon de mettre les vaches tournées vers la vallée, vers le soleil, plutôt que les habitants. Et puis, on a cette évolution des bâtiments, hein, puisque le plan type de la ferme va être réutilisé après la Première Guerre mondiale, dans la reconstruction. Par contre, à la fin de la deuxième reconstruction, on va innover et on va avoir de nouveaux plans pour ces bâtiments. Et puis, on a tout un tas de bâtiments, la ferme d'altitude, le fenil étable et le chalot, qui sont des bâtiments annexes de la ferme. Alors, toujours dans ces particularités un peu étonnantes, hein, on a des savoir-faire qui sont quand même énormes autour de cet habitat. J'en veux seulement cette première photo, hein, qui est assez exceptionnelle. C'est une ferme dans le secteur de Remiremont. Sa couverture était faite de lauzes, hein, donc ces dalles de grès, hein, qui la couvraient. Donc ça explique qu'elle a une charpente qui est renforcée. Et là, on a 50 poteaux, hein, qui partent du sol, qui vont soutenir cette charpente. Hein. Et donc ce sont des hommes debout. Dans les savoir-faire aussi typiques de la montagne vosgienne, on a ces couvertures d'essis, hein, des cendres ou de bardeaux, hein, ces planchettes de bois qui couvraient les toitures jusqu'au milieu du 19e siècle. Et puis, encore autre particularité, c'est ces constructions-là qu'on va trouver plus dans le sud du massif, hein, quand on est dans la partie granitique, des constructions en pierre sèche. Là, on est sous une terrasse, on a carrément une cave sous la terrasse. Bon, on a les savoir-faire traditionnels, on ne peut pas passer à côté de la fabrication du Munster ou du Géroumet, hein, suivant les versions. Et puis, chose complètement oubliée, par contre, la présence du textile systématique dans toutes les fermes. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a pu dépouiller des inventaires après décès, hein, dès la fin du XVIIe siècle, hein, quand ils sont disponibles. On voit la présence systématiquement d'outils nécessaires au travail du lin ou du chanvre, hein, systématiquement, que ce soit de la culture, du tissage, hein, et toutes les phases intermédiaires, on va les retrouver donc dans les maisons. Voilà, bon, on ne peut pas passer à côté de l'artisanat du bois, hein, qui était présent dans toutes les fermes aussi, du bois et aussi de la vannerie, hein. Et puis, on va s'arrêter, on va terminer par quelque chose qui est assez étrange et atypique, c'est le décor des fermes. Hein. Alors, bon, couramment, on va trouver un linteau avec les initiales des propriétaires et la date de construction du bâtiment. Ça, c'est assez courant dans toute la montagne vosgienne, même au-delà, même en Lorraine, hein, ce linteau. Par contre, si on est à l'est de Saint-Dié, on va trouver des décors très importants. Et là, j'ai mis en exemple cette ferme de Raves, petite commune donc à l'est de Saint-Dié, avec les éléments de décor de la façade qui sont, pour l'essentiel, sculptés dans le grès rose, comme on le voit ici. Alors, on va voir un peu plus en détail ce que ça peut représenter, hein. Alors, savoir que c'est une tradition qui est relativement ancienne, parce que là, on a des exemples de linteaux de porte piétonne, hein, donc de porte d'entrée de ferme, le plus ancien étant daté de 1566, hein, le plus ancien conservé, naturellement, parce qu'il faut toujours relativiser. Hein, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est qu'une très faible partie de ce qui a pu exister. On voit que sur la photo d'en dessous, que le décor religieux est déjà présent là en 1672, avec le Christ d'un côté et la Vierge de l'autre, hein, présent par leur monogramme. Et puis, on a un décor qui correspond aussi bien dans l'habitat rural, hein, aux époques de construction. Hein. On va trouver des linteaux trilobés, on va trouver des arcs en accolade, hein, pour peu qu'on cherche sur des bâtiments qui conservent une partie ancienne. Parce qu'il faut savoir que l'histoire d'une ferme, hein, elle est souvent multiple, elle est faite de constructions, de modifications, de reconstructions au gré des destructions par incendie ou par guerre. Alors, un bel exemple de ce qu'on peut trouver, là on est à Bonne-Lavelline, hein, et vous avez un décor magnifique avec trois niches qui devaient renfermer ici, des statues, bon, souvent, c'est Jésus, Marie, Joseph, hein, avec des chandeliers, et puis une inscription en latin. Donc ici, pour celle-ci, ben, si ce n'est Dieu qui construit cette maison, c'est en vain que travaillent les artisans. Hein. Et puis, on va trouver, donc, en dessous de l'imposte de cette porte, le linteau, hein, avec les initiales des propriétaires, la date de construction 1809. Bon, au gré des découvertes, hein, du terrain, on va trouver des motifs qui sont assez variés, il y en a qui sont purement décoratifs, hein, et puis il y en a qui représentent beaucoup plus rarement donc, la profession de celui qui a fait construire la maison. Hein, ici, on voit un crible, un fléau, une botte, une gerbe de blé et une faucille. Hein. Et puis, donc, on a cet amalgame, disons, syncrétisme entre ce qui est religieux et puis tous les symboles un peu prophylactiques. Hein. Donc, ici, on va trouver, donc, on retrouve, donc, ici, on est dans un placard de chauffe. Alors là, on est dans un secteur un peu particulier qui est celui de Senones, où on va avoir énormément de ce type de décor. On a donc la date de 1723, que tout le monde a repérée, qui est encadrée de deux svastikas. On a souvent tendance à penser que c'est un signe qu'on attribue plus facilement au Pays Basque, mais il est présent, déjà largement présent au XVIIIe siècle dans les Vosges. Et puis on a donc au-dessus de ces svastikas, on a deux marguerites, alors inscrites dans un carré. Alors ça, c'est un signe mystérieux dont on ne trouve pas l'origine, qui passe la frontière, parce qu'on va le retrouver dans les vallées alsaciennes, hein, et donc qui a une valeur protectrice sur le bâtiment. Et puis au centre, on va trouver le monogramme du Christ. Hein, donc on mélange tout ça, et en espérant que tout le monde veuille bien protéger la maison. Donc, pourquoi pas se garantir dans tous les sens, hein, que les signes soient païens ou religieux. Tout est bon à prendre.